Bientôt, pour lui, Eugénie fut l'idéal de la Marguerite de Goethe. Enfin, de jour en jour, ses regards, ses paroles ravirent la pauvre fille qui s'abandonna délicieusement au courant de l'amour. 3 jours après le départ de Des Grassins, Charles fut amené par Grandet au tribunal de première instance pour y signer une renonciation à la succession de son père. Puis il fallut remplir les formalités nécessaires pour obtenir un passeport à l'étranger. « Tu me permettras de payer ton passage aux Indes. Oui, je veux te payer ton passage. » « Vous en direz donc, » dit Eugénie, en lui jetant un regard de tristesse mais d'admiration. « Il le faut, » dit-il, en baissant la tête. Quand les deux amants furent seuls dans le jardin, Charles dit à Eugénie, en l'attirant sur le vieux banc, où ils s'assirent sous le noyer. « Dans 5 jours, Eugénie, il faudra nous dire adieu, pour toujours peut-être, mais au moins pour longtemps. » « J'attendrai, Charles. »« Dieu, mon père est à sa fenêtre, » dit-elle en repoussant son cousin qui s'approchait pour l'embrasser. Elle se sauva sous la voûte, Charles l'y suivit. En le voyant, elle se retira au pied de l'escalier et ouvrit la porte battante. Puis, sans trop savoir où elle allait, Eugénie se trouva près du bouge de Nanon, à l'endroit le moins clair du couloir. Là, Charles, qui l'avait accompagnée, lui prit la main, la tira sur son cœur, la saisit par la taille et l'appuya doucement sur lui. Eugénie ne résista pas. Elle reçut et donna le plus pur, le plus suave, mais aussi le plus entier de tous les baisers. « Chère Eugénie, un cousin est mieux qu'un frère. Il peut t'épouser, » lui dit Charles. « Ainsi soit-il, » cria Nanon, en ouvrant la porte de son taudis. Les deux amants effrayés se sauvèrent dans la salle où Eugénie reprit son ouvrage et où Charles se mit à lire l'Éteignez la Vierge dans le paroissien de Madame Grandet.